Bien, bienvenue dans votre cyber-vue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, voilà, chers amis, nous en sommes à l'édition du 2 avril 2012. Alors, bon mois d'avril, alors voilà, le temps continue de passer. Puis nous, cette semaine, ben, nous allons avoir une émission qui va traiter, on va pas commencer avec Fukushima, on va aussi avoir des nouvelles de l'actualité mondiale, de l'économie et du Moyen-Orient. Donc on tourne vraiment autour de ces sujets à chaque semaine, c'est vraiment l'actualité la plus importante, les sujets les plus chauds à suivre. Alors ici à l'autre monde, nous faisons un devoir de dénicher les pièces d'information les plus importantes à chaque semaine et puis de vous les rapporter. Alors voilà, donc l'émission est lancée. Alors ben voilà, comme je vous disais, on va commencer à parler avec du Japon en réalité. Très important, un sujet à suivre. Et puis je vais vous dire, ces quelques dernières semaines sont assez crucial par rapport à ce qui se passe là-bas à Fukushima. Je l'ai répété souvent dans le passé, les médias ne vous rapportent pas du tout ce qui se passe là-bas, comme si il ne se passait rien, comme si tout était réglé, comme si tout était sous contrôle, quasiment comme si rien ne s'était passé là. D'ailleurs, on vient de malheureusement célébrer, si vous voulez, le premier anniversaire de cette tragédie qui a eu Fukushima, tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, ensuite tsunami, et puis le reste est l'histoire. Ça a frappé les centrales. On a eu différentes centrales nucléaires qui ont été touchées là-bas, dont particulièrement Fukushima Daiichi. Et puis ben nous avons des développements assez dramatiques. Alors réellement là, il faut prendre le point, prendre le temps de faire le point sur la situation. Vous allez voir, j'ai ici 19 pages de liens avec des en-têtes d'articles à vous présenter qui vont être présentes sur le site Les Nouvelles Internationales à chaque semaine. Je mets toutes les sources des informations dont je discute ici, alors sur Les Nouvelles Internationales, et puis vous pouvez aller les consulter vous-même. Alors, développement assez dramatique à Fukushima, comme vous allez pouvoir le comprendre. On va commencer premièrement avec un article ici fort intéressant. Vous savez, après avoir vécu Three Miles Island, ouais. Ensuite, Tchernobyl, ensuite Fukushima et tous les autres accidents nucléaires connus et inconnus, parce que on se rend compte que c'est un domaine où il y a une chape de silence qui règne. Il y a vraiment un omerta autour de cette industrie qui est tout le temps liée avec le nucléaire militaire. Alors, si on comprend que l'histoire des centrales nucléaires actuelles qu'on utilise ont été choisies seulement parce qu'elles produisent un sous-produit qui est le plutonium, alors qu'on peut utiliser dans les bombes nucléaires, on va comprendre que, je veux dire, toute cette industrie est fortement motivée dans une direction qui est malsaine. D'ailleurs, vous allez trouver le deuxième article en liste dans la section Fukushima, un article qui parle de ces fameux réacteurs au fluoride de thorium liquide. Et puis, on aurait pu choisir cette allée-là depuis le début. Le thorium qui est énormément beaucoup plus sécuritaire que l'uranium qu'on utilise et même le plutonium. De par son concept même, son utilisation, il peut pas avoir de surchauffe parce que le liquide, en réalité, est évacué directement dans une autre cuve. Donc, il n'y a pas de possibilité de réaction en chaîne qui part hors de contrôle. Alors, réellement, là, c'est toute une différence. Et puis, on a très, très peu de sous-produits de plutonium et ainsi de suite. Donc, beaucoup moins de déchets nucléaires radioactifs là à stocker pendant très longtemps. Donc, ça peut aller par des centaines d'années, sinon des milliers d'années. Alors, c'est ça. On se retrouve avec une quantité assez incroyable. Je ne sais pas, c'est quoi le nom? Le nombre, je crois que c'était 600, mais c'est vraiment sous toute réserve, là, le nombre de centrales nucléaires qu'il y a dans le monde. Il y en a plusieurs. Et puis, on n'est pas à l'abri de d'autres catastrophes qui pourraient arriver. Et puis, d'ailleurs, on fait face à une très réelle possibilité d'une catastrophe nucléaire globale. Cet article-ci que je vous propose nous rapporte que dans les 152 dernières années, la Terre a été frappée par, grosso modo, environ 100 tempêtes solaires, causant des changements, des dérangements géomagnétiques, si on veut. Et deux de l'entre eux, sur ces 100 tempêtes solaires, étaient assez puissantes pour être classifiées comme étant extrêmes. Alors, des événements extrêmes d'une magnitude assez importante qui, si devait se produire aujourd'hui, ceci entraînerait ou initierait une chaîne d'événements qui pourrait mener à des échecs catastrophiques, des problèmes très importants dans la vaste majorité de nos réacteurs nucléaires à travers la planète, similaires mais 100 fois pires que les désastres comme Tchernobyl et Fukushima. Puis vous avez les scientifiques de la NASA qui prédisent justement une de ces méga tempêtes solaires qui pourrait frapper et puis éteindre la plupart de notre grille électrique dans la plupart des pays à travers la planète, possiblement même pour des mois. Puis là, vous avez ici 7 sources dans cet article qui parlent de cette éventualité-là. Il y a aussi le fait que vous avez le champ magnétique de la planète Terre aussi qui nous protège contre les radiations les plus violentes du Soleil. Mais on sait aussi que ce champ magnétique fluctue à travers le temps. Et puis, comme le journal The Telegraph avait rapporté en 2008, on a un très important trou dans le champ magnétique qui protège la Terre de ses rayons solaires. Et puis, on a des observations satellites assez récentes qui ont révélé, en fait, le plus grand trou, la plus grande brèche jamais vue dans ce champ magnétique qui protège la Terre. Voilà. Donc, c'est tout le temps un peu ça. Pourquoi je parle de ça ici? Ben, c'est justement pour illustrer cette vanité humaine de penser qu'on peut contrôler tout, qu'on peut contrôler la nature, qu'on peut contrôler toutes les possibilités qui pourraient arriver, et puis on pense que ces technologies-là sont sécuritaires. On nous rassure que on les contrôle bien, que tout est bien géré, que les risques sont minimaux. Alors qu'en réalité, comme je l'ai déjà dit aussi dans le passé, dans le domaine du nucléaire, tout va bien jusqu'à temps que quelque chose arrive. Hein? Donc, ça va bien jusqu'à la fin de la journée. Et puis, demain, c'est une toute autre question. Donc là, vous allez comprendre cette histoire-là à la lumière aussi de d'autres données qui sont ressorties récemment et qui nous rapportent qu'en réalité, vous avez une des centrales nucléaires à Onagawa au Japon qui elle a été sauvée du tsunami à cause de l'acharnement d'une seule personne, d'un seul homme, qui lui était déterminé à faire passer la construction de, vous avez des fameux murs qui sont construits, des brises lames, si on veut, des brises vagues qu'on construit au large de ces centrales qui sont situées sur le bord de l'océan pour l'éventualité justement d'une méga vague ou d'un tsunami. Alors, vous savez, on a tout le temps des précautions à prendre comme ça. Et puis, c'est ça qui arrive, c'est que quand on est aux prises avec ce qu'on appelle des money junkies, des drogués à l'argent. Ces gens-là vont toujours trouver une raison pour couper dans les sécurités, pour faire plus de profit. Hein, c'est tout le temps la même maudite affaire, finalement. C'est un peu comme l'histoire du Titanic dont on parle beaucoup ces temps-ci parce qu'on célèbre le 100e anniversaire. Là. C'est un peu la même maudite affaire. Je veux dire, un peu dans le même type de vanité humaine. Dans les deux cas, comme le Titanic, comme Fukushima, l'argent a pris préséance, si vous voulez, sur les mesures de sécurité et puis le gros bon sens. Alors, on rapporte dans cet article-ci que vous avez les fameux murs brise-lames, brise-vagues qui étaient censés protéger Fukushima, le réacteur nucléaire numéro 1. De l'océan était de 10 mètres de haut. Et puis, celui qui défendait la centrale nucléaire d'Onagawa est de 14,8 mètres de haut. Et puis, la raison de ça, c'est à cause de cet homme, M. Hirai, un Japonais, qui apparemment semble être la seule personne dans tout le projet à avoir poussé pour construire ce fameux mur brise-vague de 14,8 mètres, alors que tous ses collègues le voulaient à 12 mètres de haut. Il disait que c'était pour être suffisant. Il riait même de la proposition de M. Hirai et la catégorisait comme étant excessive. Mais parce que Hirai avait une certaine autorité puis une bonne drive, il a réussi à forcer la compagnie de Tohoku Electric et on a dépensé l'argent nécessaire pour construire ce fameux bouclier de 14,8 mètres de haut. Et puis 40 ans plus tard, le 11 mars 2011, une vague de 13 mètres de haut du tsunami avait frappé les côtes à Nagawa. Et puis cette centrale a survécu seulement à cause de cet homme, un homme. Alors que la centrale de Daiichi, elle, n'a pas survécu pour les mêmes raisons, parce que on pense tout le temps qu'on est plus fin que la nature, plus fin que toutes les possibilités de ce qui pourrait arriver. Ouais. Alors, évidemment que ça fait en sorte que les gens commencent à être évidemment assez conscients de ce qui se passe, surtout les Japonais là-bas. Ils comprennent qu'on n'a plus aucun recours possible, à part la révolte, pour mettre fin à cette grossier abus, si vous voulez, des droits humains des Japonais et puis du reste des autres de la planète Terre, parce qu'on a tous été touchés par ces retombées-là commises par le gouvernement du Japon et puis le secteur nucléaire. Alors, vous allez voir que effectivement toute la planète a été touchée. Ici, on a quelques nouvelles justement qui parlent de la Californie. En Californie, écoutez, toutes les le continent nord-américain a été touché assez de façon importante. Les gouvernements américains et canadiens nous ont carrément caché la vérité. On n'a pas voulu révéler à la population l'étendue réelle des retombées de Fukushima. Mais ici, vous avez le Journal Environmental Science and Technology qui a rapporté dans une nouvelle étude que les radiations de Fukushima qui sont en venue dans les courants d'air et ainsi de suite, ont entré en contact avec l'Amérique du Nord et puis particulièrement la Californie, où on a eu les plus grandes expositions dans le centre et puis le sud de la Californie. On a d'ailleurs les algues marines qui ont testé à 500% plus haut de taux de radioactivité causé par particulièrement par l'iode 131. Alors 500 fois plus élevé que partout ailleurs aux États-Unis et puis au Canada. Alors la Californie qui a été assez lourdement touchée. On essaie d'effacer ce qui s'est passé à Fukushima. Les médias obscurcissent la vérité. Hein? On essaie de tout simplement faire disparaître cette affaire-là. Alors qu'on a des faits qui sont réels. D'ailleurs, j'avais un article ici à trouver qui s'appelle Effacer Fukushima, très important. Des faits présentés qui sont réels. Ils ont servi puis ils servent à atténuer l'impact d'informations dramatiques sur l'industrie nucléaire, voire à faire oublier aux hommes qu'une catastrophe de grande ampleur a eu lieu sur la Terre. Ceci qui a commencé il y a un an à Fukushima. Alors, toutes les astuces utilisées pour cacher les données, pour minimiser les dangers, pour éviter de reconnaître les responsabilités, seront évidemment réutilisables pour la prochaine catastrophe qui ne manquera pas d'arriver bientôt, selon les lois statistiques. L'un des ici on voit 440 réacteurs répartis tout autour de la planète. Bon, c'est peut-être le chiffre que je cherchais tout à l'heure. Alors, vous avez un article ici très important à consulter, puis on vous parle des différentes astuces ici qu'on utilise pour essayer d'effacer Fukushima. Alors, en premier lieu, ben on efface les données. Alors, au Japon, les données de contamination. C'est pas juste au Japon, là, ou comme je vous disais, au Canada, aux États-Unis, c'est la même affaire. On a fait la même affaire en Europe. Alors, les données de contamination obtenues via Speedy entre le 11 mars et le 15 mars ont été effacées par mégarde. Le système Speedy était censé alerter la population rapidement en cas de pollution radioactive. Il n'a pas été utilisé car les données recueillies ont été estimées surréalistes. Alors, évidemment, vous avez toutes les sources ici d'information à cet article. Deuxièmement, être frappé d'amnésie. Alors, je n'ai pas dormi pendant plus d'une semaine et je ne me souviens de presque rien, a déclaré M. Haruki Madaram, directeur de la NISA, Agence japonaise de sûreté nucléaire. Alors, les gens souffrent d'amnésie, hein, ils ne se rappellent plus de rien. Quand on est directeur de la sécurité nucléaire, il n'y a pas besoin d'assumer, il suffit d'être amnésique. Alors, on oublie ces données-là, on oublie d'avertir les gens que, hey, attends un peu, dans votre cours, il est tombé des éléments radioactifs, des déchets de Fukushima. Et puis, vous allez voir dans les nouvelles de cette semaine, plusieurs nouvelles très alarmantes où on a découvert des taux extrêmement élevés là, de plutonium, une des substances, c'est pas la substance la plus dangereuse connue de l'humanité. Alors, ne pas communiquer les informations sensibles, ça, on le fait de façon constante. Et puis, si toutefois on peut pas faire autrement, ben on attend plusieurs mois, par exemple, avant d'annoncer la fonte des cœurs des réacteurs. Ça a pris des mois avant qu'on l'annonce, alors qu'on le savait les jours même. On a attendu des mois avant d'annoncer à la planète entière qu'on savait que les cœurs des réacteurs avaient fondu. Donc, si par hasard un organisme de sécurité vous demande la copie d'un rapport, il suffit de le caviarder pour éviter d'être reconnu responsable. Ensuite, une fois les cœurs fondus, ne jamais utiliser le mot corium, ne jamais parler de reprise, de criticité. Si on parle par mégarde de ces trucs-là, on doit se rétracter immédiatement. Surtout, ne pas diffuser les images des explosions. La vidéo de l'explosion de l'unité 4 n'a jamais été rendue publique. Vous rendez-vous compte de ça? La vidéo de l'explosion de l'unité 3 ne doit plus être diffusée parce que c'est elle qui avait du MOX à l'intérieur. Alors, on ne les présente plus dans les médias. C'est comme si ça s'était jamais produit. Puis on a encore une vidéo d'une explosion de l'unité 4 qui n'a jamais été rendue publique, chers auditeurs. Assez incroyable. Le documentaire Fukushima de Thierry Lefranc, d'ailleurs, ne montre aucune explosion. Pourtant, cette vidéo est censée expliquer les circonstances de la catastrophe. Alors, c'est assez incroyable. Vous l'avez ici, une citation. On parle du déroulement de l'accident de Fukushima Daiichi. Ne montre pas l'explosion de l'unité 3. Pourtant, ce film est censé détailler le déroulement de l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi. Alors, on fait des documentaires sur l'accident de Fukushima, puis on présente pas les images les plus importantes. Alors, c'est incroyable. Et bien sûr, c'est une explosion dont on a malencontreusement diffusé la vidéo, a une allure bizarre, a un panache noir ou est trop puissante, surtout martelé qu'il s'agit d'une explosion d'hydrogène. Hein? On veut pas que les gens pensent que ce soit une explosion nucléaire. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus, les gens n'y connaissent rien en explosion nucléaire. Nier une explosion si elle n'est pas visible. TEPCO a modifié sa position sur l'existence d'une explosion dans le réacteur 2 et a conclu, 7 mois après les faits, qu'elle n'a pas eu lieu. Il est en effet préférable de nier ce qui ne se voit pas. 3 explosions au lieu de 4, c'est toujours ça de prix. Alors, un article excellent ici qui a été mis sur place par Real Infos, qu'on peut trouver aussi sur Fukushima.overblog et que j'ai trouvé sur le site de l'éveil 2012. Alors, quand même assez incroyable. Et puis, au Japon, de plus en plus, si vous avez peur des radiations, ben, on commence à vous traiter de plus en plus comme étant un patient à un désordre psychiatrique à Fukushima. C'est assez incroyable. Alors, on est en train de vous dire que vous êtes fou dans la tête si vous avez peur des radiations. C'est incroyable. Alors, vous avez une maladie mentale. Ouais. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça, c'est incroyable. Fukushima, ensuite, ici, le radiateur, le radiateur, le réacteur de Fukushima montre des niveaux de radiation beaucoup plus élevés qu'on pensait préalablement. On a examiné avec un endoscope industriel le réacteur, un des réacteurs là-bas, et puis on a détecté des taux de radiation 10 fois plus élevés, en fait, que la dose fatale à l'intérieur de la chambre. Ensuite, même problème avec l'eau de refroidissement qui était beaucoup plus basse qu'on le pensait. Bien plus bas des 10 mètres estimés que le gouvernement estimait au mois de décembre. On n'en avait seulement que 60 centimètres. Imaginez. Ensuite, réacteur numéro 2, des radiations beaucoup trop élevées pour être accédées. Écoutez, là, ici, les taux. Pour comprendre l'échelle des sievers, on doit comprendre que quand on tombe à 1 sievert par heure de radiation, on commence à recevoir des doses extrêmement importantes, okay, qui déjà entraînent des possibilités de développer un cancer, une chance sur deux dans les prochaines années. À 2 à 4 sievert, on se prend une dose fatale et puis on meurt dans les instants qui viennent là, ou les jours qui viennent, ça c'est certain. C'est une dose fatale, OK? 4, là, on en meurt, OK? C'est le maximum qu'un être humain peut prendre. Dans le réacteur numéro 2, on a détecté 73 sievert par heure. 73. Donc, on est plusieurs fois au-dessus des niveaux mortels enregistrés à Fukushima ici. Ça veut dire qu'on a des taux tellement élevés que on sera même pas capable de toucher à ça avant des décennies. Hein, je vous évite tous les détails de ça, tous les chiffres, là. Vous devez lire vous-même ces articles. Ils sont en anglais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est la seule source des nouvelles qu'on a. On n'a aucune nouvelle en français qui existe. Ces nouvelles-là, ils sortent du Japon et des quelques autres médias à travers le monde, surtout alternatifs, qui osent en parler. Alors, j'essaye de vous traduire le plus important ici sur l'émission, mais j'espère que vous comprenez, là. On se retrouve devant une situation où même le plan d'où on pouvait commencer à nettoyer ça dans 30 ans est remis en question. Vous avez trouvé une nouvelle à cet effet. Écoutez, là, je veux dire, on en a pour au moins 50 à 100 ans, là. Ça, c'est certain, là. À juste prendre contrôle de la situation, nettoyer, essayer d'enfermer ça dans, je sais pas dans quoi. Je veux dire, il n'y a pas une technologie qui existe en ce moment. On avait des nouvelles dans le passé qui nous disaient qu'on serait probablement capable de prendre contrôle de la situation dans plusieurs décennies, dans 30, 40, 50 ans, si rendu là, on a la technologie développée pour prendre soin de cette situation-là, parce qu'actuellement, on n'a absolument rien qui existe sur Terre. On n'a jamais fait face à une situation telle sur la planète Terre. OK? Je veux dire, à un moment donné, là, quand on est rendu à 73 sievert, là, par heure, on a un méchant problème. Là, vous avez des pics de radiation à Tokyo. Vous avez différents détecteurs là-bas qui détectent toutes sortes de niveaux, en fait, de toutes sortes de matières radioactives. Ici, plus du triple des niveaux normaux. On a des nouvelles absolument alarmantes sur un paquet de trucs qui se déposent partout, des hauts taux de césium, des radiations qui sont trouvées dans le poisson du Pacifique. Arrêtez donc d'acheter des produits de l'océan qui viennent du Pacifique. Je pense que si vous avez une décision à prendre, ça en serait une maudite bonne. Quand vous allez aller à l'épicerie, là, vous allez aller au marché pour acheter des fruits de la mer. Eh bien, des poissons, des crustacés, du thon, toutes sortes d'affaires, du saumon. Regardez donc d'où ça vient. Si ça vient du Pacifique, laissez donc faire. On trouve de plus en plus de taux extrêmement élevés de radiation due au césium un peu partout. Alors, dans la chaîne alimentaire océanique du Pacifique, on a trouvé plus de 1 milliard de becquerels par kilogramme d'iode 131 dans l'algue proche des réacteurs de Fukushima. Vous voyez, on a plusieurs nouvelles ici qui rapportent des tremblements de terre dans le nord du Japon, tout proche de Fukushima. Alors, ça continue de brasser aussi de ce côté-là, des tremblements de terre de l'ordre de 4 à 5,8 sur l'échelle de Richter. Ensuite, on a une autre nouvelle ici absolument alarmante où on parle de retombées radioactives mensuelles de Fukushima qui sont maintenant 10 fois plus élevées que le mois de septembre dernier. Alors, ça va pas en diminuant, ça va en augmentant. 10 fois pire. 10 fois pire. En ce 1er avril, non, on est le 2, donc hier, la nouvelle a été publiée. Quand même... Donc, vous voyez que ça s'améliore pas, là. Donc, vous avez des taux d'iode de 131 qui augmentent aussi à 350 km de Fukushima. Des radionucléides qui commencent à se transformer en d'autres substances, comme le tellurium, qui est en train de se transformer en iode. Alors, ça vient d'un officiel local, là-bas. Et puis, on apprend aussi que le gouvernement japonais n'a pas révélé aussi des détections de plutonium-241. Des doses de radiation qui sont 50 fois plus élevées que le total des trois autres types d'isotopes de plutonium qui ont été mentionnés. Alors, voyez des nouvelles là, vraiment, vraiment inquiétantes. Là, je veux dire, on n'en parle pas dans les médias. C'est ça qui est le plus débile. Donc, une multitude de trucs comme ça, allez voir. Ensuite, les plus hauts taux de radiation mesuré jusqu'à date 37 fois les limites gouvernementales détectées dans une rivière à truite qu'on a testé à 40 km de Fukushima Daiichi. Et puis un autre ici qui nous parle de Fukushima qui risque une nouvelle fusion nucléaire. On parle de ces nouveaux, des niveaux d'eau, de refroidissement, qui sont beaucoup plus bas que ceux qui étaient estimés. J'en parlais un peu en début de chronique. Donc, quand même, vous voyez là que on a une situation ici qui est des plus importantes, des plus alarmantes, et qui est complètement ignorée par les médias de masse, par les autorités gouvernementales, par les départements de la santé de tous nos pays. Donc, vous avez plusieurs nouvelles comme ça qui parlent de ça. Le New York Times, ici, on parle des dommages au noyau du numéro 2, pire que ce qu'on pensait. On dit que l'eau du réacteur pourrait se déverser directement dans l'océan ou sous la centrale. On parle d'un risque encore de fusion du combustible encore, selon un professeur en ingénierie nucléaire. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça. On parle ici d'une large quantité de matériel radioactif qui se décharge à travers une brèche dans le containment primaire du réacteur numéro 2. On parle ici d'un consultant nucléaire qui parle de dommages à la base du réacteur numéro 2 et très sévère. Donc, un autre ici, les retombées de Fukushima sont plus hautes que celles d'il y a 8 mois, au mois de juin passé, imaginez. Alors, ça va pas en s'améliorant du tout, là. On dit les radiations 10 fois plus élevées que les experts espéraient au réacteur numéro 2, numéro 1 et numéro 3 sont même pires. C'est absolument débile. Donc, paquet de nouvelles comme ça. Un autre ici, un professeur en radiation du Japon qui parle que la ville de Fukushima devrait être évacuée. La chambre de suppression ici, selon NHK, un réseau japonais, parle que la chambre nucléaire qui contient le réacteur numéro 2 a été détruite. On dit ici que le combustible qui a fondu pourrait ne pas être recouvert par de l'eau. J'en parlais aussi dans les nouvelles précédentes. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment hallucinant, là, ce qui se passe là-bas. Donc, allez voir ces nouvelles-là. Une multitude de nouvelles à voir dans ce dossier-là. Donc, nous, on va faire une petite pause et puis après ça, on va revenir avec les nouvelles de l'actualité. On va parler de trucs assez importants aussi à ce niveau-là. On va se garder un peu de temps aussi pour l'économie encore cette semaine. On va essayer d'en parler chaque semaine. Je sais que j'ai jamais le temps d'en parler autant que je veux, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des sujets qui sont tellement importants. J'aurais besoin d'une émission de 5 heures, puis on n'arrivera même pas à faire le tour encore. Alors, on fait ce qu'on peut dans le temps. Donc, reste à l'écoute. On se retrouve immédiatement après cette petite pause. Retour à l'autre monde. Alors voilà, on va poursuivre avec les nouvelles de l'actualité maintenant, mes amis. Alors on va regarder ce qui a trait à l'actualité mondiale. On a évidemment beaucoup de trucs à couvrir. Alors je vais essayer de couvrir le principal là, en se gardant un peu de temps là, pour évidemment Moyen-Orient et puis aussi l'économie. Ce dossier qui est très très chaud. Je reçois tout le temps beaucoup de vos courriels. Je vous remercie. J'ai pas tout le temps le temps de vous répondre. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça devient complètement fou. Tout ce que je dois faire en 24 heures, mais réellement, je vous lis tous avec grands intérêts, et puis c'est tout le temps bien enrichissant. Souvent des bons commentaires, ça donne beaucoup d'énergie, de motivation, mais aussi des gens qui m'apportent des pièces d'information que des fois je partage ici sur l'émission, d'ailleurs, ça en vaut la peine. J'ai quelqu'un aussi qui m'a écrit un petit détail à corriger dans l'émission de la semaine passée quand je parlais de l'ADL qui était classé comme un groupe terroriste aux États-Unis. Et puis, c'était une erreur. Ce n'est pas l'ADL, c'est la JDL qui est classé comme un groupe terroriste, donc interdit aux États-Unis et en Israël, d'ailleurs. Bon, il faut quand même mentionner que l'ADL, comme il le mentionnait, semble ne pas être en règle aussi parce qu'ils ne sont pas inscrits au registre des lobbies étrangers, mais voilà qui est un sujet différent. Alors, importante correction faite. Ensuite, ben, je voulais parler brièvement là, encore de cette grève étudiante. Vous avez vu encore la semaine passée, l'émission n'avait pas pu être diffusée à temps le lundi. Alors, des fois, les auditeurs m'écrivent et puis, ah, qu'est-ce qui arrive? Où l'émission? Vous avez d'importantes manifestations ici au Québec de la part des étudiants contre la hausse des frais de scolarité. Et puis, étant donné que les studios sont évidemment dans l'Université du Québec à Montréal, eh bien, des fois, les pavillons de l'université sont fermés, sont bloqués d'accès. Alors, ce fut le cas, là, je crois, 2 reprises là, dans les semaines passées. Alors, ça se peut que ça arrive encore. Et puis, nous, ici, à l'autre monde, on supporte totalement les étudiants dans cette démarche. Alors, Alors, donc, ne vous surprenez pas, ceci peut arriver encore dans les semaines à venir. Et puis, parlant de grève étudiante, eh bien, notons d'ailleurs que l'élite commence à trembler sérieusement. J'ai remarqué cette semaine, c'est devenu vraiment flagrant, là, j'entends ça de quelques analystes, de la bouche d'analystes qui sont des anciens politiciens, dont un ici d'une station de radio que j'écoute des fois en m'en allant au boulot. Et puis, le monsieur s'appelle Jean Lapierre, pour ne pas le nommer, et puis c'est assez comique d'entendre sa chronique, et puis de l'entendre un peu paniquer, et puis de transmettre cette panique un peu des milieux de l'élite. Alors on dit que là, ça suffit, on commence à faire peur à la population en disant que là, les groupes étudiants vont commencer à être détournés par des agents malfaisants, et puis que là, on vit dans un état de droit où la loi doit régner. Alors, fermez votre gueule maintenant que vous avez protesté, que vous avez manifesté votre désaccord face à ça. Eh bien là, ça suffit. Maintenant, vous avez suffisamment utilisé votre droit d'expression et de mécontentement. Et puis, maintenant, rentrez dans les écoles et puis fermez votre gueule. Hein. Vous voyez que l'élite commence à avoir peur. Alors, on commence à démoniser un peu le mouvement étudiant. On sort des sondages qui nous montrent que la population les supporte de moins en moins. Alors, on essaie de nous faire, finalement, de nous faire croire que finalement, le support à cette grève étudiante diminue de plus en plus, puis que les étudiants perdent de plus en plus leur légitimité, ce qui est totalement faux. En réalité, vous devez comprendre qu'on a de plus en plus peur dans les cercles des politiciens, au gouvernement, de l'autorité finalement, face à cette révolte qui continue de s'ancrer, de se développer. Vous avez les étudiants qui sont extraordinairement créatifs, c'est incroyable. On fait toutes sortes d'actions, à droite et à gauche, des actions surprises qui frappent à différents endroits. Alors, la police est bien désemparée face à ça. Normalement, on fait une manifestation à un endroit et puis c'est facile à contrôler, alors que là, vraiment, on utilise toutes sortes de stratagèmes justement pour contourner, si vous voulez, la réaction étatique. Alors, réellement, c'est assez incroyable. Et puis, une affaire qui est à noter, c'est de voir aussi toute cette propagande du gouvernement qui commence à circuler sur les ondes et puis à la télévision. Alors, vous avez le gouvernement qui a dépensé beaucoup de notre argent pour passer des annonces, hein, des annonces gouvernementales, des messages publicitaires pour vendre le point de vue du gouvernement. Alors, dans ces annonces qu'on entend à la télévision et à la radio, c'est incroyable, là, je veux dire, vous devez voir comment ça fonctionne. On a l'impression de vivre dans un état incroyablement tyrannique, là, je veux dire, ça c'est incroyable, on a l'impression de vivre en Union soviétique, là. Vous savez, le gouvernement qui sait très bien qu'il n'a aucune légitimité dans ce dossier-là, alors dépense de notre argent pour passer des annonces lave-cerveau, pour nous dire que le gouvernement s'occupe bien des étudiants, qu'on aime les étudiants, qu'on les aime, qu'on les fait des grosses caresses, puis et qu'on les embrasse fort, là, et puis on se préoccupe de leur futur, et puis que là, on injecte beaucoup d'argent dans les programmes pour les étudiants, qu'on bonifie les prêts et bourses pour les étudiants, puis, oh mon Dieu, qu'on les aime, les étudiants, nous, en tout cas, le gouvernement, là, oh wow, c'est fantastique. Puis là, j'ai vu des annonces du gouvernement fédéral, parce que vous savez, ici, on veut repousser l'âge de la retraite à 67 ans, en fait, la décision apparemment est déjà prise, on va commencer à faire ça dans les prochaines années. Alors, ça a commencé à prendre forme, je pense, d'ici 2015 jusqu'à des années 2020 quelque. Et puis là, ben, on essaye de vous préparer aussi, hein, mentalement, en dépensant votre argent, encore là, les deniers publics, l'argent des payeurs de taxes, en vous passant des annonces dans les médias, dans les grands médias, en vous disant que là, on a des programmes fédéraux super cool, vraiment fantastiques et sympathiques, où on voit les personnes âgées qui peuvent retourner au travail, c'est tellement cool, après avoir travaillé toute leur vie à la sueur de leur front, puis avoir sauvé, épargné pour prendre leur retraite, ben là, c'est la plupart de ces gens-là, on arrive à la retraite, puis ils se rendent compte que l'argent a tellement perdu de valeur que leur épargne pour leur retraite ne valent plus rien, si ce n'est pas que leur fonds de retraite, fonds de pension, ne s'est pas tout simplement volatilisé, est disparu, hein, n'existe plus ou a été solidement amputé. Alors voilà, donc c'est super cool. Alors je veux dire, là maintenant qu'on vous a bien rincé pendant toute votre vie, que vous avez votre retraite, ben là on va pas vous laisser vous la couler douce, on va prendre votre fonds de pension et puis là on va mettre sur place, en place des nouveaux programmes pour que les petits vieux aillent sur le marché du travail. Wouh, à ce prix que c'est cool ça. Hein, c'est fantastique. Alors voilà. Donc, merci beau gouvernement, c'est fantastique. Ici, ben, on apprend qu'aux États-Unis, quand je parlais de la fameuse dette étudiante aux États-Unis, qui a atteint le cap du trillion de dollars, hein, un trillion de dollars, 1 000 milliards de dollars, la dette étudiante aux États-Unis. Ouais. Eh bien, écoutez, là, on a plus de une hausse, en fait, c'est 27%, 27% des emprunteurs qui sont maintenant en défaut de paiement. Donc, on parle de 270 millions de dollars de repaiement sur ces prêts qui ne sont pas effectués. Alors, les étudiants sont dans le trou, n'ont même pas l'argent pour rembourser ces prêts-là. C'est tellement une belle façon de partir dans la vie. Félicitations au gouvernement, c'est vraiment fantastique à ce prix qu'ils nous aiment. Une chance qu'ils nous passent des annonces à la télévision, puis dans les journaux, puis à la radio, hein, pour nous rappeler comment que ce gouvernement-là veut notre bien, il va finir par l'avoir. Incroyable. Dans l'actualité ici, justement, on parle peut-être justement du cas ici pour la semaine à 21 heures de travail. Alors, on a depuis très longtemps, hein, pensé que à l'époque actuelle, les gens travailleraient plus d'une demi-semaine, en fait une vingtaine d'heures avec la même quantité d'argent, puis qu'on puisse jouir de ces temps libres pour notre épanouissement personnel. OK? Alors, en réalité, ben c'est pas ça qui s'est produit. Hein, ça s'est vraiment pas produit. On pensait que les gens travailleraient même 15 heures par semaine et qu'on serait 4 à 5 fois plus riches. Alors, réellement, non. On travaille beaucoup plus et puis on gagne beaucoup moins. Donc, ça c'est incroyable. On fait des avancées technologiques et puis on est encore plus stressé, plus tendu, plus vidé. Et puis on paye plus de taxes et d'impôts quasiment même que les sœurs payées au Seigneur dans les temps médiévaux. Alors, vous avez une vidéo ici qui parle justement de cette possibilité, en fait, de travail réduit pour le même salaire qu'on devrait vivre au lieu d'avoir un 0,1% de l'élite qui possède plus de la moitié des richesses du monde. C'est pas 80% des richesses du monde, n'est-ce pas? Et là, le problème. Aux États-Unis, on a des sérieux problèmes. On apprend ici de différents médias qu'on prend des enfants. C'est assez incroyable, là, je veux dire, on pratique les enfants. Vous voyez comment on est en train de tout simplement traumatiser toute la population, là, c'est débile, là, je veux dire. La population en entière là, est visée, on mène une guerre à l'humanité, je veux dire, c'est pas bien compliqué. Là. Aux États-Unis, écoutez bien ça, on fait des drills, hein, on pratique les jeunes à des différents accidents. T'sais, on avait des drills pour le feu, des affaires comme ça, là, on se pratiquait, puis on sortait de l'école, vous rappelez de ça quand vous étiez plus jeune. Ben là, on fait des drills, mais pour pratiquer dans des cas d'attaques terroristes. Et puis là, ben, dans un twist des plus bizarres du conditionnement psychologique dans les écoles américaines, eh ben, on rapporte que partout autour des États-Unis, les enfants à l'école sont pris de leur classe et puis on les met sur des autobus et puis on les envoie dans des endroits alternatifs durant des drills contre des attaques terroristes. Alors on les amène dans des endroits qui ne sont pas dévoilés d'avance. Bien souvent les parents se font dire que leurs enfants ont été amenés à un endroit qui est non révélé et que aussi on voit les enfants se voir confisquer leur téléphone pour prévenir tout appel téléphonique. Et puis ben voilà quoi. Alors vous avez deux nouvelles ici qui parlent de ça. On est en train de faire ça parce qu'on dit qu'on veut rendre ça beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intense. Ah ben oui, c'est clair. C'est sûr, on va traumatiser les enfants. Alors, ouais, c'est comme ça, ça se passe dessus le terrain. Vous avez le Congrès qui a décidé de permettre aux employeurs de demander à Facebook les mots de passe des utilisateurs, des gens qui voudraient potentiellement employer. C'est assez incroyable. Alors, on dit que le Congrès va permettre aux employés de demander des informations confidentielles, comme les adresses courriel, les adresses pour entrer sur, puis les mots de passe pour entrer sur Facebook, les comptes Twitter, ainsi de suite. Donc, vous voyez, Big Brother continue de s'installer. Opération Global Blackout. Ça, c'est quoi cette affaire-là? C'est des hackers qui ont l'intention de fermer l'Internet. Alors, ça, c'est la dernière menace sur l'Internet qui est sortie. Alors, on est en train de faire l'affaire la même affaire à l'Internet, c'est-à-dire de simuler des attaques terroristes, des attaques faites par des hackers, et puis après ça, ben on va justifier de prendre contrôle d'Internet. Hein? Google qui fait face à des amendes massives à propos d'abus. On allègue que Google aurait abusé de sa dominance sur l'Internet. Ouais, Google qui réellement est en train de verser dans le mal. Oui, mesdames et messieurs. Ensuite, vous avez l'Amérique, les États-Unis qui se placent au premier rang parmi les nations occidentales pour l'exécution de ses citoyens. Wow, alors c'est fantastique. Alors ça vient de Amnesty International. Alors le FBI qui... ici aussi, c'est assez incroyable. Il y a tellement de nouvelles comme ça, c'est assez particulier. Vous avez ces attaques terroristes qui s'étaient produites à Oklahoma City. Hein, vous vous rappelez de ça. Et puis là, vous avez le FBI qui a dû s'expliquer en cours par rapport au fait que on a des enregistrements qui sont manquants. Et puis là, le juge a déclaré que les explications du FBI, à savoir pourquoi ces enregistrements sont manquants, n'étaient pas crédibles. Alors, évidemment qu'on a plusieurs problèmes avec la version officielle de cet attentat terroriste-là, comme plusieurs autres, comme celle du 9-1, comme celle à Madrid, comme celle à Londres, à Bali, ainsi de suite. Beaucoup de problèmes avec ces versions officielles qui, en réalité, on voit, ne tiennent pas la route dès qu'on commence à les analyser. Et puis les comparer avec des éléments d'évidence qu'on a déjà. Alors, un autre exemple de ça, là, des attentats à faux pavillons perpétrés par des services secrets, par les réseaux néfarieux, des canaux du pouvoir américain et puis de nos différents pays. Donc, vous avez aussi des nouvelles lignes de conduite contre le terrorisme qui donne aux autorités un accès vaste à des infos personnelles d'innocents américains. Alors, ça, c'est l'attorney US général Eric Holder qui a signé des mesures qui vont donner beaucoup d'expansion et de pouvoir. Il va permettre au National Counterterrorism Center d'avoir des informations personnelles et puis de les garder sur des périodes très longues de temps. Et même si la personne n'est pas suspectée d'aucune implication dans le terrorisme, alors peu importe, on va monter des dossiers sur vous. Alors, on est en train de contrevenir à toutes sortes de sections de la Constitution américaine, dont le 4e amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté contre des fouilles et des saisies non raisonnables. Alors, toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent. C'est Big Brother, les totalitaires qui est en train de s'installer aux États-Unis et partout dans nos pays. Vous avez aussi cette fameuse du Homeland Security Act, le Patriot Act, et puis le segment du NDAA, qui a été aussi les nouvelles guidelines, là, les nouvelles lignes de conduite là, signées par l'attorney général Holder, qui, à travers toutes les données sur des gens parfaitement innocents, des civils, peuvent être gardés pendant 5 ans. Et puis le passage du HR 347, qui fait en sorte que les Américains, les citoyens américains vivent maintenant dans une Amérique post-constitutionnelle où aucune de ces protections et garanties que les Américains avaient à travers la Constitution et puis le Bill of Rights n'existe plus. Alors réellement, là, il n'y a plus aucune protection de la Constitution. Tout est tombé. Je veux dire, avec tous ces trucs-là qui ont été passés récemment, on a affaire à une nouvelle tyrannie aux États-Unis. Officiellement, on peut l'annoncer. Vous avez tout un scandale aussi des vols de bagages à l'aéroport de JFK aux États-Unis. Plus de 200 vols par jour. Imaginez, c'est assez incroyable. Ça, c'est à l'aéroport international de John F. Kennedy. Là, on vole de l'argent, des bijoux, des biens électroniques et toutes sortes de trucs comme ça. Hey, 200 par jour, imaginez. Ça a été rapporté par CBS2. Ensuite, Microsoft qui censure Windows, Live, Messenger. Alors, en fait, les chats, les gens qui parlent sur Windows, Live, Messenger, peuvent être maintenant censurés sous les nouvelles lois mises en place, supposément pour lutter contre le piratage. Ah ouais, alors c'est assez incroyable. Alors vous voyez un peu partout là où c'est qu'on se fait suivre à la lettre. Alors c'est ça, ça fait un peu un clin d'œil avec ce qu'on parlait la semaine passée là, hein, avec le fameux passage de la loi C-10 ici au Canada qui à toute fin pratique sonne la mort de la liberté d'expression au Canada. La censure qui embarque, la police de la pensée, même affaire en France avec la nouvelle loi de Sarkozy. Et puis, on dit vouloir surveiller l'Internet hein, pour lutter contre le terrorisme et puis lutter aussi contre la pédophilie et l'exploitation infantile sexuelle. Alors que, qui est le plus grand consommateur et producteur et financier, utilisateur de ces fameux réseaux d'esclaves humains, de prostitution, autant de femmes que d'enfants? Eh bien, ce sont les mêmes réseaux financiers, mêmes réseaux de banquiers, mêmes réseaux de politiciens élitistes, réseaux d'ambassadeurs, de hauts placés, et ainsi de suite. On parle du Ambassador Club ici au Canada. On parle des différents réseaux d'exploitation d'enfants. Et puis, ici, vous avez un article incroyable. J'ai tout un dossier là-dessus. Un dossier que je me garde bien ici. Que je me garde un peu comme une police d'assurance. Un dossier très important sur la pédophilie, l'exploitation des enfants pour le commerce du sexe, et ainsi de suite, d'une variété de réseaux de politiciens mélangés avec des gens du pouvoir à différents endroits, corporatifs, financiers, banquiers, médias, et ainsi de suite, des religieux, des gens de l'étranger, et ainsi de suite. Alors, dossier extrêmement incriminant. C'est important d'avoir des petites polices d'assurance comme ça. Tu sais, s'il arrive de quoi comme ça, ben pouf, tu sors ça, tu mets ça sur la table. Hein? Fait que tu penses vouloir nous intimider avec vos lois C-10 et ainsi de suite. Vous pensez que c'est nous autres qui est à surveiller pour la pédophilie et ainsi de suite. Eh ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Vous avez un excellent article qui est sorti ici. Ça s'appelle Financiers and Sex Trafficking. Ça a été publié par le New York Times. Oui, mesdames et messieurs. 1er avril 2012. Le plus gros forum pour le trafic sexuel de petites filles, de fillettes aux États-Unis apparaît être un site web appelé backpage.com. Alors, vous avez un genre de réseau de femmes et de fillettes, plusieurs étant en très bas âge, qui sont forcés dans la prostitution, qui, à son tour, est est la propriété d'une compagnie privée assez opaque nommée Village Voice Media. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'était pas clair qui étaient les ultimes propriétaires. Et puis, maintenant, ce mystère a été résolu. Les propriétaires se trouvent à être une gang de financiers d'équité privée, incluant, roulement de tambour, Goldman Sachs, qui avait 16% dans cette firme d'équité privée. Goldman Sachs a été mortifié lorsque le journaliste a commencé à poser des questions la semaine passée à propos de ses actions qu'il possédait dans ce site Internet américain, le premier, le plus important, qui distribue des publicités pour la prostitution. Et lorsque le fameux journaliste avait commencé à contacter Goldman Sachs, Goldman Sachs avait commencé à travailler de façon quasiment hystérique pour vendre ses parts dans ce site Internet. Et puis a rappelé le journaliste pour, après ça, lui dire qu'ils avaient signé un accord de vendre toutes ses parts. Et en disant qu'il n'avait aucune influence sur les opérations de ce site Internet. À voir dans ce cas-là, on parle ici d'un cas récent à New York où on avait des prosecuteurs qui disaient qu'une fille de 15 ans avait été droguée, attachée, violée et puis vendue à des gens à travers le site Backpage et puis d'autres sites. On dit que Backpage a 70% du marché pour les annonces, les publicités de prostitution. Selon un groupe qui s'appelle AIM Group. Donc, c'est quand même assez incroyable, mais c'est vrai. Vous avez 19 sénateurs américains qui ont écrit à cette compagnie, lui demandant d'arrêter, d'essayer d'attirer des trafiquants. Et puis, vous avez même une signature, en fait une pétition qui a rassemblé plus de 220 000 signatures qui a été remise à cet effet-là. Et puis, dans l'État de Washington, vous avez le gouverneur qui a signé une loi qui vient tout juste de le faire, qui pourrait exposer justement Backpage, qui pourrait exposer Backpage à des sanctions criminelles s'il place des publicités de jeunes filles. Pour avoir, en fait, pour le marché du sexe, sans vérifier leur âge. Alors, toutes sortes d'affaires comme ça, quand même assez incroyables. Et puis, vous avez les deux plus importants propriétaires, qui sont Jim Larkin puis Michael Lacey, qui sont les managers de la compagnie, et qui semblent avoir la moitié des parts de cette compagnie. Et puis l'autre propriétaire le plus connu, c'est Goldman Sachs, qui a investi dans la compagnie en l'an 2000. Alors, n'est-ce pas incroyable? Et puis vous avez le directeur de Goldman Sachs, un des directeurs en management de Goldman Sachs, s'appelle Scott L. Leibovitz, qui siégeait sur le comité de gestion de Village Voice Media pour plusieurs années, et lui qui a quitté Goldman Sachs au début de 2010. Goldman Sachs qui est, voyez là, je veux dire, est impliqué là-dedans. Puis ça, c'est un détail parmi d'autres. Là. Je vous dis, j'ai un important dossier sur ça. Des grosses légumes qui sont impliqués dans le trafic d'humains, trafic des fois même d'organes, de jeunes enfants, ainsi de suite. Ouais. Alors, quand même, assez spécial. Donc, un article à aller voir sans faute. Ensuite, vous avez un globaliste australien ici, un sénateur qui s'appelle Bob Brown, en Australie, comme je vous disais, lui qui appelle pour un gouvernement mondial. Alors, vous voyez, de plus en plus de nouvelles là, qui sortent de cet effet-là. Alors, c'est la prochaine étape. On veut amener un nouvel ordre mondial, un gouvernement, une gouvernance mondiale. Alors, les globalistes qui ont officiellement infiltré le gouvernement australien. Et puis, maintenant, ils sont sur la route hein, pour avoir l'Australie comme étant un des leaders dans le monde pour introduire un gouvernement global et puis un nouvel ordre mondial. Et puis à cet effet-là, eh bien, j'ai un auditeur ici qui m'a écrit, très intéressant, là, j'ai consulté cette affaire-là, c'est très, très, très intéressant. On parle de ce nouvel ordre mondial, il est important de comprendre qui sont derrière, et puis on a plusieurs acteurs, on a des groupes de pensée, des think tanks, comme on les appelle en anglais. On a un groupe ici qui s'appelle The World Federalist Movement, qui se nomme le Mouvement Fédéraliste Mondial en français, qui est une organisation internationale qui rassemble des associations et des citoyens, dit-on. Ça, c'est un petit dossier que j'ai récupéré sur Wikipédia pour vous faciliter l'accès à ça. Mais vous pouvez faire des recherches plus poussées. Vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne, comment, en fait, d'où part en réalité ces idéologies, ces pensées pour le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, ces agendas, savoir comment qu'on s'y prend. Ben, il faut aller voir qui sont ces gens qui sont derrière. Je veux dire, il y a des gens qui sont derrière ça, c'est pas juste dire ils ou commencer à paranoïer dessus des conspirations. Là, je veux dire, il faut aller voir qui sont concrètement derrière ça. Et puis là, ben, si vous en avez un exemple très important, la World Federalist Movement, la WFM. Alors, c'est important de savoir pourquoi, parce que, ben, écoutez, ils siègent à New York, non loin du siège des Nations Unies. Ils ont été fondés en 1947 à Montreux, en Suisse. Puis l'objectif du mouvement est un ordre mondial juste à travers des Nations Unies renforcées. Alors, elle revendique entre 30 000 et 50 000 sympathisants. Et puis, la WFM demande un gouvernement mondial fédéral permettant de mener des politiques globales sur le principe de l'état de droit. Il s'agit d'un mouvement pro-mondialiste militant en faveur d'un fédéralisme intégral. Cet objectif pourrait être accompli en renforçant et en démocratisant les institutions internationales existantes et en leur conférant une autorité constitutionnelle. Ben ouais. Les fédéralistes mondiaux soutiennent la création de structures démocratiques mondiales responsables devant les citoyens. Ben ouais. Alors c'est évidemment que c'est tout le temps la belle présentation officielle. Là. Alors oui, démocratie, c'est comme quand on va aider les Libyens avec des bombes uranium appauvries pour les libérer. Là. Hein? Donc, on les ensevelit sous des déchets nucléaires en leur criant des mots à la tête comme « Liberté! Démocratie! » On tue 50 000 Libyens innocents, des civils comme ça, pour les libérer. « Tu te sens-tu mieux, Jack? T'es, on va te libérer à coup de bombe! » Alors, voilà. Donc, une petite organisation très intéressante à les découvrir. Ici, un article qui parle de l'ascendance des sociopathes dans la gouvernance américaine. Alors, j'en ai parlé dans le passé, puis je continue d'en parler parce que de plus en plus d'articles en font état. Et puis, les gens en prennent conscience. Ouais, c'est que nos gouvernements ont été pris de contrôle, pris d'assaut, un coup d'État silencieux par des psychopathes. Une certaine classe de gens qui maintenant sont en plein contrôle de nos institutions majeures. Même affaire aux États-Unis, même affaire dans nos pays. Et puis, ben écoutez, leur croyance, leur attitude s'insinue à travers toute la toile économique, politique, intellectuelle, psychologique, spirituelle de toute notre société. Et puis ces gens-là, ces psychopathes, ces sociopathes, manquent complètement de conscience. Hein? Ils n'ont aucune capacité pour un regret réel, hein, de faire mal à quelqu'un. Alors, ces gens-là n'ont aucune empathie, bien qu'ils prétendent l'opposer. Hein? C'est comme ils disent, « Ah, pauvre petit peuple libyen! Ah, pauvre petit peuple syrien! Ah, pauvre petit peuple irakien! Ah, pauvre nous! Pauvre petit peuple! On va vous libérer! » Bouh! À coup de bombe! Badang! Bing! Ils démolissent le pays au complet, les infrastructures, les écoles, les conduites d'eau, ainsi de suite. Le pays retombe 30, 40, 50 ans en arrière au niveau technologique, au niveau des infrastructures, et ainsi de suite. Mais on dit avoir beaucoup de compassion pour ces pauvres gens qu'on veut libérer et apporter la démocratie. Hein? Donc, c'est ça. Et puis, ces gens-là se considèrent tout le temps supérieurs à quiconque. Et puis, ils se disent supérieurs aussi parce que ils ne sont pas, si vous voulez, enterrés. Ils n'ont pas à supporter, si vous voulez, ces émotions, l'éthique que les autres ont. Et parce que, en fait, ils sont arrogants, bien qu'ils prétendent l'opposer. Et puis, vous avez une vidéo ici importante où on dit « Combattez le nouvel ordre mondial avec une désobéissance globale ». Alors, allez voir ça peut être intéressant. plusieurs nouvelles comme ça. Écoutez, c'est assez incroyable aussi. Vous allez voir que réellement, là, c'est à peu près n'importe quoi, là. Je veux dire, oui, on est mené par des psychopathes, là. Vous avez ici les docteurs en Pennsylvanie qui, maintenant, ont fait l'objet de ce qu'on appelle un gag order, c'est-à-dire que on leur ferme la gueule, c'est-à-dire qu'on met en place une loi où les docteurs n'ont pas le droit de parler de quoi que ce soit par rapport aux produits chimiques qui sont utilisés pour les gaz de schiste. Alors, ça, c'est une nouvelle loi qui fait en sorte que les docteurs en Pennsylvanie peuvent avoir accès à l'information à propos des produits chimiques qui sont utilisés dans l'extraction des gaz naturels, mais ne peuvent pas les partager avec leurs patients. Ah, c'est assez incroyable. Ben ouais. Alors, c'est comme ça qu'on se préoccupe des gens. Il faut protéger les compagnies pétrolières. Ben ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est comme ici au Québec où on a appris que on veut percer plus de 20 000 puits pour les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal, en fait, bon, c'est à peu près ça, entre, grosso modo, Montréal et Québec, et le fleuve Saint-Laurent, et puis l'autoroute 20. 20 000 puits qui sont prévus. Ça, on vous avait pas dit ça, hein? On vous avait pas dit ça. Ben non. Alors, c'est comme ça que ça se passe. On voit que la santé des citoyens ne représente absolument rien pour les gens qui sont en place, ces fameux psychopathes, législateurs, politiciens, ainsi de suite. Alors, écoutez, on a introduit un paquet de produits chimiques comme ça dans le terrain, et puis ces trucs-là se retrouvent un peu partout, dans les nappes phréatiques, et puis les gens vont se ramasser avec des cancers, ainsi de suite. Mais évidemment que les législateurs comme en Pennsylvanie puis leurs familles, probablement qu'ils ne vivent pas dans les régions où on va percer de ces fameux puits. Hein, évidemment, on s'en fout. Et en fait, ils reçoivent même des contributions des compagnies de pétrole. Alors, tout va bien pour eux autres. Ça les concerne pas. Donc, ouais, c'est ça. C'est quand même assez spécial, là. Alors, on rentre toutes sortes de produits là-dedans. Écoutez, ça c'est incroyable. Une longue liste d'additifs chimiques. Des inhibiteurs pour la rouille, des agents antibactériens qui sont pompés dans la croûte, dans le sol, très profond. Et puis, c'est le cas ici, comme en Ohio, si on en parle, où on parle qu'on est d'une formation de roche très perméable. Et puis, ben écoutez, c'est assez incroyable, là, on a 176 de ces puits qui sont opérés par plus de 80 compagnies. Et c'est ça qui est en train de se passer et qu'on veut instaurer partout dans nos régions, ici jusqu'au Québec. Alors, ça c'est incroyable. 20 000 puits au Québec. 20 000 puits qu'ils veulent construire au Québec. Dans votre région. Ici, dans mon petit village, moi, ils sont venus à s'essayer. Alors, les gros camions, tout, le trafic lourd, la saleté, la flamme qui brûle durant la nuit, qui crache la fumée dans le ciel, puis tout ça, c'est un puits. Ils veulent faire ça fois 20 000. Okay? Dans une petite localité ici, on entendait parler, tout le monde en parle, c'est une émission à la télévision, juste dans la municipalité où un gars s'opposait, il voulait en creuser 300 de ces puits, imaginez. Alors, toutes sortes d'affaires comme ça, on parle du NPD ici beaucoup au Canada, un parti politique là, qui faisait fureur, la majorité des Québécois avaient voté pour eux autres dans les dernières élections fédérales, et puis là, ben, j'en parle ici parce que on nous présente Thomas Mulcair comme étant la prochaine voix du NPD. Alors, il va prendre le flambeau. Jack Layton qui est décédé il y a quelques mois. Alors, il nous fallait un nouveau chef de ce parti-là. Mais on apprend dans cet article-là que Thomas Mulcair est peut-être tout simplement un autre pion placé sur l'échiquier politique canadien par les sionistes. Alors, avec l'élection de Thomas Mulcair, qui devient le nouveau leader du troisième plus important parti politique au Canada, le NPD, qui devient aussi l'opposition officielle au Canada, se trouve connecté, comme je vous dis, si vous voulez, à des gens qui sont extrêmement pro-sionistes. Alors, écoutez, en fait, les partis politiques ici au Canada sont quasiment tous infiltrés. Là, vous avez le Parti conservateur qui est mené par Stephen Joseph Harper, avec avec ici, là c'est ce que je vois ici, ça restera à voir, mais qui apparemment aurait des racines dans sa famille avec des juifs et qui est un vraiment ce qu'on appelle un Israel Firster, alors un sioniste, quelqu'un qui place Israël même avant les intérêts du Canada. Et puis vous avez le leader par intérim du Parti libéral qui est mené par Robert Keith Ray, alors un ancien leader du NPD, qui lui aussi a des dans sa famille des racines juives, et qui est aussi sur le board du Jewish National Fund, une organisation raciste et criminelle que même Israël veut rester à distance. Alors c'est quand même assez incroyable. Vous voyez, ces gens-là, vous avez le chairman, le co-campaign chairman, alors, de Mulcair, qui s'appelle Lorne Nystrom, qui est maintenant le directeur du Centre pour Israël et puis les affaires juives, qui se trouve à être le lobby israélien le plus important, un groupe de pression. Alors, vous voyez comment que... on est en train d'assister à la sionification du Canada, l'israélisation du Canada. Ouais. Alors, si vous voulez savoir mon opinion, pourquoi je parle de ça, ben c'est parce que je trouve pas que ça soit vraiment souhaitable, hein, qu'on commence à mettre les intérêts d'une autre nation avant même nos propres intérêts. Autant que je serais pas pour l'américanisation de notre gouvernement ou de nos partis politiques, autant que je serais pas plus pour le fait que on devienne pro-russe, pro-japonais, pro-thaïlandais, pro-kenyan, hein, pro-musulman, pro-hindouiste, peu importe. OK? Il me semble qu'on peut avoir une certaine indépendance. Alors, ouais. Des nouvelles comme ça qui continuent de couler à flot. C'est incroyable. Le gouvernement du Michigan, ici, complètement débile, annonce des plans de détruire des bêtes qui sont sur des ranchs basés sur la couleur de leur poil. Et on peut même arrêter des centaines de ranchers. Alors, c'est assez incroyable. Là, vous voyez que on commence à délirer complètement aux États-Unis. Complètement à délirer. Et puis ça, ben, c'est à veille de nous toucher. Pourquoi? Ben, parce que justement, dans cet effort de globalisation, d'instauration de gouvernance mondiale, ben, on est en train de rassembler les grands blocs du monde. Et puis, ici en Amérique, ben, c'est ce qu'on appelle le sommet, en fait, l'Union nord-américaine. Alors, on a d'ailleurs les leaders qui vont se rencontrer en réalité à un sommet pour remettre sur rail aussi l'intégration trilatérale du Mexique, du Canada et puis des États-Unis. Alors, on avait ce partenariat pour la sécurité et la prospérité qui avait un peu déraillé parce qu'on l'avait exposé beaucoup, mais qui tout simplement était rendu plus underground, qu'on avait renommé, mais qu'on a continué quand même à pousser. Okay? Donc, on est en train d'harmoniser toutes les lois, d'effacer la frontière entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. On est en train d'intégrer ces deux pays-là, ces trois pays-là, en une entité. Autant au niveau des échanges, des régulations, puis des initiatives par rapport à la sécurité. Alors, c'est en fait aujourd'hui qu'on va avoir ce sommet à Washington, D.C. Et puis, on va continuer de travailler sur l'intégration du Canada avec les États-Unis et le Mexique. Pendant ce temps-là, bon, on apprend que l'État policier du Nouvel Ordre Mondial est en train d'émerger, en mettant en place son infrastructure, qui est sous construction. Et puis là, bon, on est en train de... Je vous parlais durant les semaines précédentes de la construction de ce méga-centre le plus important d'espionnage de toutes les transmissions électroniques, courriels, téléphoniques, ainsi de suite, qui est construit en Utah, aux États-Unis. Ben, en sous-construction, on a ici aussi au Canada notre quartier général qui est en train d'être construit, notre quartier général à Ottawa, pour l'espionnage électronique, un nouveau centre qui va coûter plus de 880 millions de dollars, qui va servir à espionner les Américains et puis le reste du monde entier. Pourquoi les Américains? Ben, c'est parce que la police secrète, les services du renseignement et d'espionnage américains et canadiens ne peuvent pas espionner et puis suivre leur propre population, mais ils ont droit d'espionner les autres populations des autres pays. Alors, les États-Unis espionnent sur les Canadiens et puis après ça, donnent ces informations-là au service du renseignement canadien et le service canadien fait pareil pour les Américains. Alors, espionne sur les Américains et donne les informations que les Américains ne pourraient pas légalement obtenir par eux-mêmes. Alors, c'est ça. Donc, dans votre tête, vous pensez que vous êtes deux pays distincts, alors qu'on n'en est qu'une seule, que les autorités au sommet travaillent ensemble comme c'était une nation, et puis on est carrément espionnés, surveillés, traqués par nos gouvernements. On peut assumer maintenant que toutes nos communications sont suivies et que nous vivons présentement dans un état policier, déguisé quelque peu, mais quand même. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, monsieur. Alors, vous avez des nouvelles qui parlent de cette histoire-là. Vous avez le Canada, d'ailleurs, qui est membre de Echelon, qui rassemble 5 nations, dont les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Canada et puis l'Australie. C'est un consortium d'espionnage, qui est capable d'interception de tout téléphone, appel téléphonique, fax, courriel et autres données. Echelon. Eh oui, un truc qui devrait être connu de vous. Si vous ne le savez pas, faites vos recherches. Très important. Donc, on dépense énormément de notre argent, des centaines de millions de dollars. Pour ça, on vient vous dire qu'on va falloir mettre en place des mesures d'austérité, mais hey, on en a des centaines de millions de dollars pour espionner la population. On en a en tabarslac. OK? Donc, on dépense énormément d'argent. On est en train de mettre en place un État policier. Et puis, il s'en vient de plus en plus mondial, cet État policier. Donc, en Utah, ben, on dépense, en Utah, c'est 2 milliards de dollars pour mettre ça en place. Il devrait ouvrir en 2013. Et puis, selon le Globe and Mail, ici au Canada, vous avez ce complexe de 7 bâtiments du CSEC, qui va être l'équivalent d'un édifice de 90 étages de haut. Qui va être mis, mettons, sur son côté, si vous voulez, là, pour ça donne un peu l'idée là, de grandeur. C'est comme un édifice de 96 étages de haut sur le côté. Là. Donc, tout un complexe, extrêmement à très haute sécurité, avec toutes les machines de plus haute technologie, en fait. Là. Et puis, vous allez même avoir des stations qui vont générer de l'électricité qui va alimenter les ordinateurs de cette agence. Et puis, ben voilà quoi, et on va avoir 1700 employés avec un budget de 300 millions de dollars par année. Et puis, on va espionner la population. N'est-ce pas fantastique? C'est incroyable. Alors, essentiellement, on est en train de payer pour notre propre esclavagisme. On est en train de se rendre des esclaves, nous-mêmes, et on est en train de payer pour ça. Un complexe de 20 acres qui va être adjacent au CSIS, la CIA du Canada, si vous voulez, notre agence du renseignement, qui va être connectée avec tous les satellites et ainsi de suite. Donc, essentiellement, on tente de payer pour se rendre esclave. Mais oui, c'est tout aussi compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça se passe en ce moment même. Et puis, quand même bien qu'on refuserait de le voir, je veux dire, la réalité va nous rattraper. Elle est en train déjà de le faire. Donc, c'est quand même assez particulier, là. On est en train de mettre en place un périmètre de sécurité entre le Canada et les États-Unis qui vont intégrer aussi les policiers et puis les agents de la force pour la loi, ainsi de suite. Donc, les lois qui sont en train de passer aux États-Unis vont s'appliquer au Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on doit comprendre que ces mesures d'espionnage sont designées pour un jour futur lorsque la colère répandue à travers la population créée par l'effondrement financier où la guerre va prendre place va être tellement étendue que la population va être en révolte totale. C'est ça qu'en fait, on est en train de surveiller. Alors, toutes sortes de nouvelles comme ça. Ici, on parle d'un article qui parle d'une preuve finale que vous ne causez pas le réchauffement climatique, en fait, extrêmement peu. Alors, on parle ici de la planète entière au complet s'était réchauffée durant les temps médiévaux sans les émissions de CO2 de l'humain, selon une nouvelle étude qui vient d'être publiée. Alors, on parle ici justement de durant les temps médiévaux, on parle des années entre 500 et 1000. Il y a 500 et 1000 ans, une période médiévale extrêmement chaude qui avait prévalu et qui ensuite s'était refroidie naturellement et puis même jusqu'à atteindre un genre de mini âge glaciaire. Alors, vous avez une équipe de scientifiques ici menée par le géochimiste Zhongli Liu, alors avec lui qui vient de la Syracuse University à New York. Alors, qui a fait ces découvertes-là. En fait, on voit même que, la Terre s'était réchauffée encore beaucoup plus qu'on a connu là durant le pic en 1998. Et ce réchauffement s'était fait sentir jusqu'en Antarctique, d'ailleurs. Vous avez les réchauffistes, hein, les hystériques du réchauffement climatique causé par le CO2, qui se sont fait prendre la main dans le sac à éditer, à changer les articles sur Wikipédia sur cette fameuse période de réchauffement climatique médiéval et qui justifiait ses effacements sur le fait qu'il disait que maintenant il y avait un consensus et que ce réchauffement s'était produit seulement qu'en Europe. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on vient de prouver hors de tout doute que ce réchauffement ne s'était produit pas seulement qu'en Europe, mais partout à travers la planète. OK? Alors, évidemment que tout ceci ne corderait pas du tout avec leur théorie de réchauffement climatique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré, on a essayé d'effacer l'histoire, tout simplement. Une histoire géologique, une histoire climatique qui a duré plus de 500 ans. C'est assez incroyable. Alors, on se retrouve maintenant avec des évidences revues par les pairs, par des scientifiques, je veux dire, qui montrent qu'on a connu des périodes de quelques centaines d'années globalement plus chaudes, hein, durant cette période médiévale, sans sacs de plastique ou de stations d'électricité, d'automobiles ou d'ordinateurs. OK? Climate Gate, un crime contre l'humanité. Oui, chers auditeurs. Vous avez d'ailleurs le Canada qui s'est retiré de ça, de cet accord de Kyoto, et ainsi de suite, la semaine passée en réalité. Ce qui est très, très bien. Une chose qui va peut-être nous libérer d'une direction pas mal stupide, parce que si on se prépare un réchauffement climatique puis qu'un refroidissement climatique s'installe, ben peut-être que justement, on va se préparer à la bonne chose. Vous avez Fox News qui rapporte aussi que vous avez The Green Climate Fund qui a été créé par la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui cherche à avoir l'immunité diplomatique entière pour toute poursuite légale de toutes sortes, incluant des poursuites aux criminels ou aux civils dans tous les pays qu'ils opèrent. C'est assez incroyable. Alors, vous avez les Nations Unies qui ont mis un corps de travail et puis avec des fonds privés et publics lors de l'accord de Copenhague en 2009 qui a été ratifié à celui de Durban en Afrique du Sud. Et puis vous avez ce fonds qui est contrôlé par des trustees qui proviennent de 24 nations qui ont reçu plus de 30 millions de dollars pour partir. Et puis le truc est tellement criminel que finalement on cherche à avoir l'immunité légale dans tous les pays où on opère. Donc ça vous montre un peu quel genre de crédibilité ces gens-là ont. Ensuite, vous avez ici le scepticisme par rapport au changement climatique causé par l'homme. Pas qu'ils sont causés par l'homme, ils sont causés de façon naturelle. Oui, il y a des changements climatiques, mais majoritairement naturels. Alors, le scepticisme dans ce dossier-là, selon un environ-sociologue, doit être traité. Alors, on dit que le scepticisme, en rapport avec le besoin d'action immédiate et massive contre les émissions de carbone, on dit ici que c'est une maladie des sociétés, puis que les individus devraient être traités. Ah ouais. Et puis Obama, lui, qui fait la requête de 770 millions de dollars pour combattre le réchauffement climatique à l'étranger. Alors, bien content justement que le Canada se soit retiré du protocole de Kyoto pour ses stupidités qui finalement sont poussées par les mêmes acteurs qui sont derrière l'avènement de ce gouvernement mondial, des banquiers internationaux. Alors, blanc, direct dans le mille. WikiLeaks, une petite vidéo ici qui montre que WikiLeaks est un outil de la CIA. Alors, WikiLeaks qui altère des caches digitalisées qui apparaît comme étant pour apparaître comme étant des scoops par rapport à des nouvelles. Alors, c'est assez incroyable. Quand d'ailleurs les courriels du Climate Gate avaient été fuis par quelqu'un qui avait révélé ces fameux courriels, WikiLeaks avait essayé justement de clamer le crédit pour cette histoire. Même si en fait la fuite s'était produite sur un serveur en Russie. Et puis que plusieurs autres sites Internet avaient en fait rapporté cette histoire plus de 3 jours avant que WikiLeaks l'ait faite. WikiLeaks avait ensuite changé la cache pour changer la date et ainsi de suite pour montrer comme c'était eux autres qui avaient révélé l'affaire. C'est assez incroyable. Une autre nouvelle incroyable, Press TV qui révèle que la reine d'Angleterre est accusée de trafic de drogue. Alors, c'est pas des farces ce que je vous rapporte là. Vous avez le régulateur des affaires financières britannique qui a même mis à l'amende la reine d'Angleterre pour avoir fait du lavage d'argent. On a essayé de laver l'argent, de blanchir de l'argent. L'argent de la drogue. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez The Financial Service Authority qui a donné une amende de plus de 8,75 millions de livres sterling pour avoir eu des dealings dans des échanges de drogue. Alors, commerce de drogue. C'est assez incroyable. Ben, c'est pas vraiment surprenant là, quand on pense que la Grande-Bretagne a déjà mené une guerre contre la Chine pour le droit de vendre l'opium au peuple chinois. C'est quand même assez incroyable. Eh oui. Qui avait cet argent-là dans le temps d'ailleurs? Comment qu'une banque s'est mise sur la map? La HSBC. Eh oui. La HSBC qui faisait la transaction de l'argent qui provenait de l'opium lors de l'Empire britannique. Alors, c'était intéressant l'histoire, n'est-ce pas? Donc, vous avez des manifestants qui ont été presque tués par des policiers qui maintenant fait face à la prison. Alors, ça, c'est comme ça qu'on traite les étudiants en Grande-Bretagne. Alors, on les traite comme ça au Canada. Il y en a un qui a reçu une balle de caoutchouc dans l'œil, il a perdu l'œil. Un autre étudiant en Australie, je vous en parlais la semaine passée, a subi le taser. Lui est décédé. Là, c'est un étudiant britannique, lui, qui est presque mort d'un coup à la tête par la police durant une démonstration étudiante. Et puis maintenant, il se retrouve en justice pour violence. Et puis, on voudrait maintenant l'emprisonner. Imaginez. C'est incroyable. Il fait face à 5 ans d'emprisonnement. Ouais, c'est ça. Ensuite, plusieurs lois comme ça. Écoutez, là, je veux dire, je pourrais vous en parler pendant longtemps, là, mais écoutez, vous avez des façons, si vous en sortez, là, comment communiquer si le gouvernement ferme l'Internet. Alors, un article que je vous laisse ici, très important. Téléchargez-le et primez-le. On parle de toutes sortes de mesures pour rétablir les réseaux de communication, rétablir des réseaux pour la radio, le téléphone, le fax, ainsi de suite, pour se remettre en question, en connexion, c'est-à-dire l'intranet, ainsi de suite, où on peut, dans le cas où le gouvernement mettrait fin à l'Internet, le saboterait ou le fermerait pendant une période de temps où on pourrait continuer à communiquer ensemble. Alors, mieux vaut se préparer. En Angleterre, on a un autre désastre comme BP qui est en train de se fomenter. Alors, ça aussi, probablement, vous n'avez pas trop entendu parler dans les nouvelles. On n'en parle plus de ces affaires-là. C'est pas important, là. Je veux dire, si on parle plus de Fukushima, on va sûrement pas parler de ça. Alors, vous avez une autre histoire de BP qui est en train de se produire. Sauf que là, ça se trouve être au large de l'Angleterre. Alors, on a des fuites de pétrole proches d'une plateforme. Deux plateformes, je pense, qui sont évacuées. Dans la mer du Nord, et puis là, ça fait plusieurs journées que ça dure. Alors, c'est proche de la Elgin Platform. C'est exploité par la compagnie Total dans ce cas-ci. Et puis vous avez Total E&P UK. Ils disent que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois pour construire un puits. Alors, pour intersecter l'autre et puis vider, en fait, prendre contrôle de la situation. Alors, on a des flammes qui brûlent, du gaz qui s'échappe de la plateforme Elgin. C'est rapporté par différents médias, dont BBC ici. Alors, un autre désastre de forage pétrolier en mer qui est en train de se dérouler. On dit qu'on a des gaz explosifs en nuages qui s'échappe de cette plateforme et de ce puits au large de la côte britannique qui grandit et puis que ça pourrait prendre 6 mois à arrêter selon un autre expert ici, un article rapporté par le Daily Mail. On a une zone d'exclusion d'environ 6 km qui a été mise en place autour de la plateforme de Elgin Total. Et puis, on a les Hellfighters, les gens du Texas, qui s'étaient battus contre le désastre du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique au large des États-Unis, qui ont été appelés à se rendre sur cette plateforme-là. Vous avez Shell qui a aussi retiré tous ses travailleurs des autres exploitations dans la région. Et puis, là, on parle du fait que la source exacte de cette fuite est encore un mystère, mais s'échappe toujours de la plateforme. Et puis, là, on a un grave problème avec ça parce qu'on n'est pas capable de fermer le puits. On dit que même une étincelle pourrait créer, un autre désastre, probablement le pire que la Grande-Bretagne ait connu au large de ses côtes. Alors qu'une autre nouvelle nous rappelle ici que c'est même pas réglé encore, là. Je veux dire, le désastre pétrolier de BP dans le golfe du Mexique a contaminé la chaîne alimentaire océanique, selon une autre étude ici qui a confirmé qu'on a des dérivés toxiques, toutes sortes d'éléments qui dérive du pétrole qui a été relâché par le Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique il y a presque 2 ans est entré partout dans la chaîne alimentaire à travers les micro-organismes. L'étude a été financée par le National Science Foundation et a été menée par une équipe de chercheurs de l'Université de la East Carolina puis l'Université du Maryland et puis celle de l'Oregon, la Oregon State University, la Georgia Institute of Technology puis la US Geological Survey. Okay, ils ont détecté des composants chimiques trouvés dans le pétrole, appelés des hydrocarbones. Certains classés comme étant cancérigènes. Dans le corps des crustacés microscopiques qu'on appelle les zooplanctons. D'un autre côté, ici, on a une nouvelle qui peut être relativement positive où on a trouvé un fungus qui mange du plastique en Amazonie. Alors ça c'est intéressant. Vous avez un groupe d'étudiants et des professeurs de la Yale University qui ont trouvé un fungus dans les forêts pluvieuses de l'Amazonie qui pourrait dégrader puis utiliser les plastiques communs comme le polyuréthane. Alors c'est assez incroyable, mais voilà, on trouve des affaires qui pourraient peut-être éventuellement nous aider. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On va essayer d'avancer plus rapidement. Sarkozy qui compare l'événement qui s'est passé à Toulouse, là, la fameuse acte de terrorisme là, de Mera, alors avec l'attaque du 9-1, alors vous voyez qu'on est en train de de préparer la population française là, pour les prochaines élections. Et puis, évidemment, que quand vous avez des fous psychopathes comme ceux qui dirigent nos pays en général, et puis comme semble être M. Sarkozy, ben on a besoin de créer de la terreur dans le pays pour se faire élire. Hein? Fait que là, après ça, on peut vendre nos mesures de sécurité beaucoup plus facilement. Alors, ouais, c'est ça. Alors, on est en train de créer un traumatisme dans le pays. Sarkozy a déclaré qu'il y avait un traumatisme très profondément dans le pays. Mais finalement, on se rend compte que finalement, le trauma, le traumatisme est pas mal plus important, alors qu'on trouve que le crime a été en fait commis par les services d'intelligence. Hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Ben parce qu'il semble que Mehra était un informateur des services du renseignement. Ah ben oui, c'est ça qu'on est en train de trouver. Mohamed Mehra est un informateur à la DGSE, affirme Il Foglio. Puis sans citer ses sources, le quotidien italien, le courrier international ici pointe des contradictions dans les déclarations des services du renseignement français, israélien et pakistanais concernant les voyages effectués par le jeune homme. Vous avez un article extrêmement important ici à aller voir. Et puis on apprend que vous avez cette personne, l'affaire Mohamed Mehra, ce jeune Français d'origine algérienne qui a revendiqué le massacre de 7 personnes à Toulouse et à Montauban au nom d'Al-Qaïda. Déclenche une guerre entre les différents services secrets. D'après des sources, des renseignements qui se sont confiés à Il Foglio, la Direction générale de la sécurité extérieure, l'agence française chargée de l'espionnage et de l'antiterrorisme en dehors des frontières nationales, aurait garanti à Mehra, en sa qualité d'informateur, un accès en Israël en septembre 2010 par un point de contrôle à la frontière jordanienne. Le Français serait resté 3 jours en touriste avant de retourner en Jordanie, puis de prendre la direction de l'Afghanistan. C'est assez spécial pour un gars qui était pauvre, qui avait pas beaucoup d'argent. Hein? Il se trouve à avoir pas mal d'argent pour voyager. C'est assez spécial. Vous voyez, là, un paquet d'affaires, là, qui commence à clocher dans cette histoire. Son entrée en Israël, couverte par les services français, devait prouver la capacité du réseau djihadiste à passer facilement les frontières grâce à un passeport européen. Ces informations n'ont pas été officiellement confirmées, mais un article paru lundi dans Haaretz, citant les sources du service du renseignement israélien, Shin Bet, semble toutefois apporter du crédit à cette thèse. L'article relaie les propos du gouvernement israélien qui confirme l'entrée sur son territoire de Mehra, mais le Shin Bet soutient qu'il n'a aucune trace de l'arrestation du Français à Jérusalem en possession d'un couteau, comme l'a affirmé Bernard Scarsini, la chef de la direction centrale du renseignement intérieur, DCRI, dans Le Monde. Alors, ça c'est incroyable, hein? Par ailleurs, des doutes subsistent sur la visite de Mehra dans les territoires occupés. Pour résumer, nous sommes en présence de 2 versions contradictoires. On ignore si Mehra a effectivement été arrêté ou il s'est précisément rendu et où il s'est précisément rendu et le Shin Bet contredit son équivalent français. Même confusion du côté du renseignement militaire du Pakistan la semaine dernière lorsque les médias français ont écrit que Mehra s'était rendu 2 fois pour s'entraîner dans les centres au Waziristan, région montagneuse du nord-ouest du Pakistan. Le gouvernement pakistanais a nié. Nous n'avons aucune trace de son entrée dans le pays. Mais depuis dimanche, le 25 mars, les services secrets, les talibans pakistanais, dont les liens fondés sur les alliances et les faveurs échangées ont été établis, sont devenus étonnamment loquaces. Le porte-parole des talibans au Waziristan, Ahmed Marwat, a contacté les agences de presse Reuters et Associated Press pour déclarer qu'effectivement, Mehra s'est entraîné chez eux, contredisant ainsi le gouvernement français qui soutient officiellement que le Toulousain ne s'est pas entraîné et n'a pas été en contact avec des groupes djihadistes. Marwat a cependant ajouté, nous ne savons rien des attaques en France, et cela n'a rien à voir avec nous. Alors, vous voyez que des affaires commencent à clocher pas mal dans ce dossier-là. Alors, on a des problèmes avec les informations qu'on nous a données. Vous allez voir dans la suite de cet article fort intéressant qu'on voit qu'il y a un paquet d'éléments qui clochent dans cette histoire-là. On se trouve dans un cas encore là d'actes terrorisme supposément d'un fou sorti de nulle part et qui ne se trouve pas à être sorti de nulle part et puis qui n'était pas seul non plus. Le gars n'avait pas beaucoup d'argent, soudainement avait des armes très dispendieuses, puis se promener comme ça dans le monde. Quand même assez incroyable. Vous avez les sources d'Il Foglio qui préviennent aussi que il y avait là une entente. Il pouvait circuler librement en échange d'informations précieuses. Vous savez, Bernard Scarsini soutient que Mohamed Mehra, lorsqu'il était assiégé dans son appartement de Toulouse, aurait avoir été entraîné par une seule personne et pas dans un centre d'entraînement afin de ne pas se faire remarquer au milieu des autres en parlant français. Alors, c'est quand même particulier à aller voir, là. Je veux dire, vous avez plusieurs éléments comme ça, là, qui fait que l'histoire ne cadre pas du tout avec la réalité, là. Mera n'avait supposément pas d'emploi, ou avait très peu d'emploi, travaillait pour une shop pour les voitures, apparemment, si je comprends bien. Et puis, soudainement, lui avait l'argent pour se payer des fusils, des voyages en 2010 qui l'amenaient à visiter Israël, la Jordanie, l'Afghanistan, le Pakistan, et puis d'autres, possiblement, nations du Moyen-Orient. Et puis, ce gars-là, Mera, apparaît avoir été en mesure d'acheter tous ces billets d'avion-là, la nourriture, les l'hôtel. Ça aurait coûté une petite fortune. Je sais pas comment il a trouvé cet argent-là. Hein? Faut se poser ces questions-là. Mera se trouvait même sur les no-fly list du FBI aux États-Unis. Hmm? Ce gars-là qui supposément se trouvait sur le no-fly list, des listes de potentiels terroristes, a été capable de se promener à travers ces pays-là, rentrer même en Irak, avec les visas nécessaires, pour viser des points chauds, tu sais, quand même assez spécial. Alors, plusieurs articles qui parlent de ça. On parle de connexion avec les services secrets français, israéliens. Et puis, vous avez plusieurs autres articles, comme je vous dis, là, allez surveiller pour trouver tous les détails par rapport à cette histoire-là. Mais comme je vous dis, là, il y a quelque chose qui ne fait pas dans cette histoire-là. Là. C'est certain que il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Alors, allez voir ça. Une autre vidéo aussi qui parle de ça, qui dit que Mera était un agent des services secrets français. Alors, vous avez une vidéo aussi. Vous avez une information qui a été confirmée par l'ancienne tête des services du renseignement français, qui s'appelle Yves Bonnet, qui a parlé au journal de Toulouse à propos de Mohamed Mera, qui était justement un agent des services secrets français. Alors, vous avez plusieurs références ici par rapport à ça, plusieurs sources à les consulter. Donc, quand même, hein, c'est assez particulier. La fraude électorale qui se poursuit aux États-Unis. Alors, vous avez d'autres articles qui parlent de ça. Les efforts importants qui sont mis en place pour voler les délégués, puis les élections de Ron Paul qui ont été exposées. Alors, très, très, très important. Article à aller voir. Alors, c'est assez particulier de voir des élections volées en plein visage comme ça. Vous avez écouté, c'est assez incroyable. Vous avez négatif, moins 16 022 votes pour Ron Paul en Floride. OK? La démocratie qui est volée. C'est assez incroyable. Ouais, c'est ça. Ron Paul, il n'a pas reçu un vote. Il n'a pas reçu zéro vote. Il n'a pas reçu 100 votes. Il a reçu moins 16 022 votes. Hein? Allez me parler d'élections après ça, crédibles et légitimes aux États-Unis. C'est incroyable. OK? Est-ce qu'on peut quelqu'un m'expliquer comment quelqu'un peut arriver à avoir un résultat de vote négatif? Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez un programmeur qui a même admis ici créer des programmes pour les ordinateurs pour voler des votes dans les élections de 2000 aux États-Unis. Eh ouais, c'est ça. Après ça, plusieurs articles ici qui parlent de l'Afrique, des articles qui parlent des États-Unis, des pouvoirs occidentaux qui sont en train d'installer leurs pions sur l'échiquier africain pour contrôler les ressources, recoloniser l'Afrique. Alors, on en parle aussi depuis quelques semaines sur l'autre monde. Alors, on continue dans cette veine-là. Les articles sortent de plus en plus. Écoutez, on a de plus en plus de nations où on retrouve une présence militaire américaine, incluant le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Somalie. Ah oui, alors c'est quand même assez incroyable. En Ouganda, ben là, vous avez le US Africa Command, ben oui, un genre de centre quartier général de commandement américain, qui est un outil pour recoloniser le continent africain. Alors ça vient de Inform Africa. Et puis, ben voilà, c'est un article qui parle que dans ce 21e siècle, il semble que le gouvernement américain ne respecte plus la souveraineté des États africains et puis de leur intégrité territoriale, ainsi que celui du continent en entier. Alors, le gouvernement américain n'a jamais approché l'Ouganda ou l'Union africaine ou ses prédécesseurs, l'Organisation de l'Afrique unie, pour demander si les États-Unis pouvaient aider. Hein? En fait, maintenant, on a découvert du pétrole en Ouganda, et puis presque immédiatement, il y a des rapports que le gouvernement américain a envoyé de son armée, en fait, en Ouganda, pour trouver Joseph Kony, hein, puis sauver les enfants de l'Ouganda. Hein. Alors, ça c'est incroyable. Pourquoi que l'Amérique n'a pas fait cette offre bien avant qu'on ait découvert du pétrole en Ouganda? Hein? Ça c'est incroyable. Il semble que l'acquisition des ressources de l'Afrique soit le simple but d'Africom et non le développement de l'Afrique. Hein? Donc, la fameuse guerre contre la terreur est en essence, en fait, une guerre contre les gens qui ont la témérité de se trouver, de vivre ou d'être dans une région adjacente aux ressources naturelles que le gouvernement veut s'approprier. N'est-ce pas? Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça. Ici, on parle de commandos d'élite américains qui se trouvent à être au Mali. Alors, le Pentagone qui a confirmé la semaine passée qu'on a des opérations spéciales américaines, des forces qui se retrouvent au Mali. Ils se retrouvent un peu partout, hein, ces gens-là. Vous allez voir, c'est assez particulier, au Kenya. Alors, Kenya qui, maintenant, a trouvé du pétrole. Alors, oups, on va bientôt clamer que l'Al-Qaïda se trouve dans le pays, qu'il faut maintenant intervenir. Vous savez, l'ancien président... Excusez-moi, vous avez le président, l'ancien président de la Colombie qui maintenant nomme la guerre contre la drogue des États-Unis à être un échec total. Hein? Donc c'est César Gaviria Trujillo, l'ancien président de la Colombie, a déclaré lui que cette guerre était désastreuse et puis un échec total. Alors il faut arrêter cette guerre contre la drogue qui n'est encore là qu'un couvert pour tout simplement tuer la compétition et contrôler le marché de la drogue. Okay? Ça peut vous sembler une affirmation assez hallucinante, mais c'est bien le cas. Okay? Donc, on continue. Ensuite, vous avez les États-Unis qui approuvent un aide militaire de 1,3 milliard de dollars à la dictature militaire égyptienne. Alors, ça c'est incroyable. Hein? On voulait clamer la révolution, on saluait le printemps arabe qui a été complètement inventé de A à Z et fomenté depuis des années par les États-Unis puis Israël. Et puis, là, maintenant, vous avez les États-Unis qui sont complètement et absolument ruinés, mais qui trouvent quand même l'argent de supporter des dictatures à l'étranger. Alors, vous avez les Égyptiens qui veulent s'affranchir, vraiment se libérer, et puis là, ben, on va financer la dictature militaire égyptienne. Ah, c'est tellement beau. Alors, vous avez Hillary Clinton qui a annoncé que les États-Unis vont donner de l'aide militaire à l'Égypte. Ouais. Alors que... On est bien conscient que on a des buts là-bas vers une transition démocratique qui sont, disons, très mises en question, ouais, pour dire le moins. Une nouvelle guerre froide avec la Russie. Alors, vous avez la Russie qui est évidemment très inquiète sur par rapport au plan de Washington d'envoyer de l'armement à la Géorgie. Alors, on va peut-être recommencer la même affaire qu'on a faite il y a quelques années. Je pense que ça fait 2-3 ans où on avait Israël, les États-Unis qui avaient armé la Géorgie, puis vous avez les forces russes qui avaient été obligées d'intervenir pour arrêter un déraillement total de la Géorgie. Alors, on est en train de réacheminer un paquet d'armement là-bas. Alors, c'est assez incroyable. Ouais. Alors, on risque de revoir d'autres raids vers Abkhazia et puis l'Ossétie du Sud. Ah oui, fait qu'on voit comment ça va se passer. Vous avez la Chine et la Russie qui planifient avoir des exercices, des drills de guerre navale. Alors, la Chine et la Russie qui se rapprochent de plus en plus, mais tiennent maintenant des exercices de drills militaires ensemble. Donc, très important développement ici aussi. Vous avez la Somalie qui n'a pas de gouvernement, un peu comme ça fut le cas pendant quasiment 2 ans en Belgique. Alors, maintenant, c'est la Somalie qui se retrouve sans gouvernement. Et puis, apparemment que les données suggèrent que l'État se développe quand même très bien, selon 10 indicateurs clés qui mesurent la situation avant et après le gouvernement. On remarque que les Somaliens sont en meilleure situation que lorsqu'il y avait un gouvernement en place. Je parle de situation financière et générale. Donc, quand même. Alors, ça fait plusieurs nouvelles. Israël qui coupe les liens avec la Human Rights Council, le Conseil sur les droits humains des Nations Unies, qui a condamné la planification d'Israël de construire des nouvelles unités de logement pour les colons juifs dans Cisjordanie puis à Jérusalem-Est, disant que ceci mine les processus de paix et puis pose une menace à la solution de deux États puis la création d'un État palestinien indépendant. Donc, ça continue de ce côté-là. Des ambulances à Gaza ont arrêté de répondre aux appels parce qu'il manque d'essence. Alors, imaginez Israël qui a coupé l'approvisionnement d'essence à la bande de Gaza. Alors, on n'a plus assez de gaz, d'essence et d'électricité à cause de du blocus israélien. C'est assez incroyable. Et puis, vous avez une autre vidéo aussi qui montre la police israélienne qui utilise ces fameux canons à eau et puis des gaz à lacrymogène contre les Palestiniens. 200 personnes auraient été blessées dans la bande en Cisjordanie. Vous avez les chars d'assaut israéliens qui ont envahi Gaza, alors la semaine passée. Vous avez cette invasion qui a été accompagnée par des assauts aériens aussi. Vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça, là. Je veux dire, ça continue de brasser dans la bande de Gaza, et puis le Pentagone qui pousse pour avoir plus d'aide militaire à Israël pendant ce temps-là. Ah oui, quand même. Ça fait bien du sens. Fait que là, ben, vous avez après ça, les États-Unis puis l'Australie qui discutent de vol de drones au-dessus de l'océan Indien, rapporté par le Sydney Morning Herald. Alors, les États-Unis puis l'Australie qui coopèrent ensemble dans un programme qui s'appelle Global Hawk. Et on veut donner de l'expansion à un programme militaire important, commun entre l'Australie puis les États-Unis pour augmenter les vols de drones au-dessus de l'océan Indien. On veut avoir un accès plus important pour les forces américaines en Australie, dans les ports australiens. Alors, c'est quand même assez incroyable. On va stationner plus de 2500 Marines à Darwin. Pendant ce temps-là, ben, les attaques à drones au Yémen continuent d'augmenter aussi, alors qu'on est en train de mener une guerre secrète là-bas. Ben ouais. Alors, on continue de tuer bien du monde. Et puis, vous avez ici, écoutez, ça c'est incroyable, une guerre secrète au Yémen, là. On a des douzaines et des douzaines d'attaques par drone sur ce qu'on appelle des points chauds de l'Al-Qaïda, ben oui, bien sûr, qui tue évidemment des quantités impressionnantes de civils. Vous avez une recherche qui a été faite par le Bureau of Investigative Journalism at London's City University, qui a trouvé qu'il y a autant que 516 personnes qui ont été tuées dans ces attaques au Yémen. Et puis que la plupart de ces gens-là, réellement, sont des gens qui sont innocents. Pendant ce temps-là, ben, on continue de supporter le régime qui est en place au Yémen, qui est une dictature qui fait une oppression de son peuple assez sauvage. Mais on continue à faire la même affaire. Alors, c'est assez incroyable. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Pendant ce temps-là, ben, on apprend ici que pour graduer, mettons, on a créé un nouveau champ d'études pour devenir un pilote de ces fameux drones. Hein? Donc, on a des gradués comme ça, des gens qui graduent de ces études-là, qui commencent avec des salaires de 120 000 $ par année. 120 000 $ par année. C'est incroyable. Alors, on entraîne des pilotes pour contrôler ces fameux pilotes, ces fameux drones à distance. Et puis, ils sont chèrement payés, grassement payés. Quand même, c'est incroyable. Alors voilà, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Comme à chaque semaine, j'ai pas assez de temps pour parler de tout ce que je voulais parler. De l'économie, mon Dieu, c'est incroyable. J'arriverai jamais à passer au travers. Si bol. Tellement de nouvelles que j'avais importantes. Vous avez écouté des révoltes importantes. Vous allez voir ça en Espagne, des gens qui se révoltent partout, des grèves générales en Espagne contre les mesures d'austérité. Vraiment, c'est en train de s'enflammer partout. Même affaire en Angleterre. Vous allez voir une crise du pétrole assez importante en Angleterre. Vous avez plus de 8000 stations-service. Je pense qu'ils vont être fermés. Et puis, vous avez les camionneurs qui s'en mêlent, ainsi de suite. Les mesures d'austérité du gouvernement anglais qui sont imposées opposer la population qui refuse, et puis vous allez voir des nouvelles assez importantes à ce niveau-là, allez consulter dans les nouvelles de l'économie. Je vais vous mettre ça en lien, mais il va falloir vraiment y revenir. En tout cas, je vais arrêter de m'avancer là-dessus. Mais oui, là, je parle tout le temps à travers mon chapeau, ça n'a pas de bon sens. Là. Un moment donné, je vais parler de l'économie, puis un jour, je vais parler de la santé, puis du reste. Là. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Rapidement, Syrie, la Turquie qui suspend les services de son ambassade en Syrie, ordonne l'évacuation. L'opposition déclare que les rebelles syriens, les fameux guerriers, vont avoir des salaires. Alors, ça aussi, c'est assez important comme développement. Ça veut dire que finalement, que c'est pas un soulèvement populaire, mais que c'est un coup d'État qui est fomenté, qui est combattu par des mercenaires payés. Alors, vous avez des nouvelles très importantes à ce niveau-là. La Syrie qui accepte un plan de paix offert par Kofi Annan, qui est l'envoyé des Nations Unies. Évidemment qu'on ne va sûrement pas laisser une possibilité d'un plan de paix se mettre en place, parce qu'on veut évidemment attaquer le gouvernement Assad, attaquer la Syrie, puis rentrer en Iran. Donc, évidemment, si vous avez ici un autre article qui parle de ça aussi, l'Occident qui bouge pour tuer ce premier important pas pour mettre fin à la violence. Alain Juppé qui est accusé par sa propre administration d'avoir falsifié des rapports sur la Syrie. Vous avez d'autres gens aux États-Unis qui urgent d'armer l'opposition au gouvernement syrien. Alors, vous avez des gens comme le sénateur John McCain qui ont appelé à ceci. Alors, c'est assez incroyable. Donc, allez voir ces nouvelles-là. Et puis, en Iran aussi, ça bardasse pas mal. Vous allez voir différentes nouvelles là, qui parlent justement des préparatifs là américains-israéliens pour une opération dans le Golfe Persique très bientôt. Là, des Marines, vous avez le USS Enterprise se prépare à passer à travers le canal de Suez. Toutes sortes de préparatifs militaires comme ça qui se préparent, des nouvelles sanctions qui vont se mettre en place au mois de juin, qui sont normalement un prélude à la guerre. Alors, Hillary Clinton qui déclare que le temps s'écoule et puis on n'a plus de temps pour la diplomatie avec l'Iran. Vous avez les États-Unis qui ont pris livraison de des GBU 57 AB Penetrator. Alors, on va utiliser des bombes qui vont avoir l'air très puissantes, mais qui vont en réalité risquer d'être des bombes nucléaires, tout simplement. Obama qui déclare qu'on a assez de pétrole dans le monde pour attaquer l'Iran, c'est-à-dire que même si on attaque l'Iran, qu'on a assez de pétrole pour stabiliser les marchés alors qu'on les attaque. Alors, vous voyez qu'on se prépare là à toutes sortes, à une éventualité d'une guerre dans le Golfe Persique contre l'Iran très bientôt. Alors que vous avez Ali Burton qui a été accusé d'avoir vendu de la technologie nucléaire à l'Iran en 2009. Alors, vous voyez l'ironie ici. La France qui va aider, elle, la Jordanie à réaliser ses ambitions nucléaires. Alors, la Jordanie peut avoir des centrales nucléaires, mais pas l'Iran. Bon. Kadhafi qui a déclaré que JFK, John F. Kennedy, avait été assassiné par Israël. Alors, quand même, important à savoir. Lui avait déclaré que Kennedy a été tué parce qu'il insistait à contrôler la centrale de Dimona. Toutes sortes de nouvelles quand même assez surprenantes dans ce sens-là. Des secrets qui ont été révélés, des bases militaires et puis d'une attaque qui s'en vient sur l'Iran. C'est le Foreign Policy Magazine qui dit que l'Israël a un deal secret pour utiliser les bases militaires de l'Azerbaïdjan à partir desquelles il lancerait des attaques sur l'Iran. Alors, CNN dit que c'est de la spéculation. Fox News dit que c'est un plan de l'administration d'Obama de planter un couteau dans le dos d'Israël en révélant ses secrets. Alors, je ne sais aucune confiance à avoir en ces deux réseaux de nouvelles, évidemment. Donc, on peut pas savoir réellement c'est quoi qui est le but de tout ça. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a beaucoup de manœuvres qui sont en place dans cette région-là, puis que ceci n'est pas un bon signe. Alors voilà, c'est tout pour nous, mes chers amis. Alors, nous, on se quitte et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. En espérant que la semaine prochaine, on a plus de temps pour parler de l'économie et puis de la santé. J'ai des nouvelles très importantes pour vous. Alors, portez-vous bien et puis on se revoit bientôt. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Ciao tout le monde!